Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. Un monde de fous où plein de gens dégainent. CS9, le monde pleure. Ok, 2009. Ok, ok, ok, ok. Le monde pleure, le monde part. Le monde meurt et le monde en a marre. Le monde court après le bonheur d'un monde sourd où règne le malheur. Le monde pleure, le monde pleure, le monde part. La misère s'en empare et la tristesse empire. Des remparts en secret se font bâtir pour séparer les riches de ceux qu'on va laisser mourir. Des guerres de civilisation, de religion, de discrimination. Le monde pleure, l'homme et ses failles. Où des fous ont inventé la maille, créé la peine de mort, martyrisé des enfants, traiter les noirs comme des porcs. Je veux l'égalité entre les noirs et blancs. Voir l'Israël, la Palestine agiter le drapeau blanc. Hiroshima n'ait jamais eu lieu, okay. Et que des innocents ne soient jamais montés aux cieux. Je veux que chacun d'entre nous puisse ouvrir les yeux. Que chacun sache la vérité, qu'il n'y avait pas que de juifs dans les camps de concentration. Et que l'Église est coupable de crimes contre l'humanité. Le monde pleure. Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. Un monde de fous plein de gens dégainent. La terre croule sous les ordures, plastique comme politique. L'homme croule sous les bavures, scientifique comme juridique. Il n'y a que nous pour se croire si parfait. Il y a tant de choses à refaire et tellement de plaies à compenser. L'esclavage a été vu comme une chose positive, mais c'était basé sur les mêmes lois que le nazisme. Il faut revoir l'histoire de façon objective, et que les colonisateurs faisaient partie du terrorisme. Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. C'est un monde de fous où plein de gens dégainent. L'homme inventé, les camps, les coups et la cam. Les chars, le racisme, le capitalisme et les armes. L'esclavage ainsi que la prostitution, les SS, le business et les fausses informations. Le monde pleure, le monde pleure, le monde part, le monde part, le monde meurt, le monde meurt, et le monde en a marre. Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. Un monde de fous plein de gens dégainent. Ils ont vanté leurs instructions, les bienfaits de la colonisation. Okay. Combien de frères sont morts, et combien d'entre eux ont été traités comme des porcs. Comment pouvez-vous parler de choses positives quand des familles ont été pendues par milliers, quand des femmes ont été violées et volé la vie des enfants tués. Comment pouvez-vous parler de choses positives quand 24 000 personnes meurent chaque jour? Simplement de sous-nutrition, c'est 6 World Trade Center par jour. Comment pouvez-vous parler de choses positives quand des gamins tuent avec vos armes? Quand des gamins n'ont plus de raison de vivre et sont défoncés avec votre cam? Le monde pleure. Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. Un monde fou où plein de gens dégainent. Le monde se fout de tous ces gens qui crèvent. Le monde se fout de tous ces gens qui saignent. Le monde est fou de tous ces gens qui règnent. Un monde de fous où plein de gens dégainent.